J'accuse la crise, le cataclysme, les censeurs, les faux savants, les penseurs trop dans le vent, leur brise de fatalisme. J'accuse le capitalisme, son ampleur, sa virulence, dans les pleurs et l'opulence, mes rêves de réalisme. J'accuse leur surdité, la starification, mon art une scarification, quand il est une absurdité. J'accuse la mode et ses victimes, les avoirs, l'argent, le pouvoir, les hauts dirigeants, peu commodes, plein de haute estime. J'accuse les hautes instances, leur cours partial, leur discours, un art martial, ils pratiquent sans distance. Et j'accuse avec insistance leur délocalisation, nous statiques à deux temps devant leur colonisation. J'accuse en démol les veaux qui comatent, les cerveaux qu'ils formatent et qu'ils colmatent sans bémol, le niveau des océans qui augmente de jour en jour, ma vilaine derrière la bas-jour quand elle équivaut au néant. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations. J'accuse l'égoïsme, fer de lance de ma nation, la violence et son prisme, l'enfer, ses émanations. J'accuse des juges sournois de racisme, d'incompétence, ceux qui grugent leur minois, le fascisme et l'omnipotence. J'accuse tous ces dossiers enterrés, neutralisés, leurs incidents moralisés, nous atterrés, le dossier, un président égocentrique, associés et malfaiteurs, ces dissidents trop excentriques, ces faux bienfaiteurs. J'accuse l'excès de modernisme, les chemins du succès, les désaccès du christianisme, les gamins rois vexés. J'accuse vos colonels, éperons et hauts dignitaires, leur disquette internationale, comme le front monétaire. J'accuse les hommes irrationnels, les enquêtes bâclées, bloquées sont les portes patronales, alors les mômes raquettent la clé. J'accuse vos escortes et leurs gamelles mal raclées, nos débats ne sont pas bouclés, nos mots sont des lamelles nickelées. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations. J'accuse l'affaire Nkamdo, l'affaire Outreau, les faux frères qui dupent dès l'intromat qu'ils profèrent dans notre dos. J'accuse leur coin UP, Rupins et Carré VIP, tous barrés nous ont usurpés, rien que pour triper. J'accuse le prix de nos écrits, nos carrières sans folie, mes barrières, ma mélancolie, ce que mon esprit retranscrit. J'accuse le rire aux dépens quand il est pernicieux, le pire qui se répand, la planète empire sous les cieux, le net qui transpire de vicieux, les malhonnêtes dont on dépend, aux manettes c'est malicieux, leur soupir en suspens. J'accuse leur mirage, leur fausse présomption d'innocence, en fonction d'un nom de naissance, ils te rossent avec rage. J'accuse la forme sans le sens, les stations qui nous blâment, les manifestations sans flamme, même dans les normes ça sent l'essence. J'accuse le CAC 40, les parachutes en or, la chute n'est pas marrante, nous on craque encore et encore. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations. Dresse mon réquisitoire, médiatrime, en somme une critique, m'adresse à ce sans histoire, au scribe comme aux politiques, me dit que mes récusations sur l'orgueil séviront, et sur ma feuille environ 90 accusations.